en Honduras et qui explique que donc la candidature de Xiomara Castro puisse avoir un espèce d'appui populaire important. Et c'est pour ça que c'est important de suivre là, cette semaine ce qui va se passer, parce que c'est sûr que la droite est très revancharde, très vindicative, et c'est pas du tout sûr qu'elle accepte facilement, qu'elle accepterait facilement une victoire électorale. Donc il peut y avoir des manipulations au moment du vote, il peut y avoir toute une série de scénarios. Jusqu'à présent, la droite s'est caractérisée par des attaques violentes, des assassinats sélectifs, par de l'intimidation systématique autour des candidats. Mais Xiomara Castro est une femme extrêmement courageuse et pour l'instant, elle a résisté à tout cela. Oui, et là, elle a des appuis, là, vous en avez parlé, là, elle a réussi à regrouper autour d'elle toutes les forces de gauche, c'est ça que je comprends? Voilà, toutes les forces de gauche et puis en même temps des secteurs libéraux qui veulent la démocratie, qui veulent plus de démocratie plus ouvert, et qui trouvent surtout que le Honduras, depuis ce coup d'État et puis cette tentative de maquiller ce coup d'État en nouveau régime civil, s'est isolé en termes diplomatiques, en termes internationaux et qu'il serait temps de passer à autre chose. Alors c'est un peu toutes ces forces-là qui pourraient peut-être faire la différence, mais il faut suivre ça de très très près, rien n'est gagné a priori. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Moutarde. Le temps file. On aurait pu parler longuement du Honduras, entre autres le lien avec le Nicaragua et tout ça, mais bon, on pourra peut-être y revenir éventuellement. Mais on va se dire, nous, à une prochaine. Voilà. Très bien, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, c'était Pierre Moutarde sur l'élection qui va avoir lieu demain au Chili, la semaine prochaine au Honduras. On va passer à l'étape suivante de l'émission, c'est-à-dire l'éditorial de Claude Vaillancourt. Qu'on écoute, ça sera pas bien long. Les années d'austérité budgétaire que nous traversons sont dures pour la démocratie. Nous savons très bien que la démocratie ne consiste pas uniquement à aller voter tous les 4 ans pour un gouvernement qui va faire ce qu'il veut une fois qu'il est élu. Elle doit aussi s'équilibrer par des contre-pouvoirs qui ramènent les parlementaires à l'ordre quand il le faut. Or, ces contre-pouvoirs sont de plus en plus affaiblis. Nous n'avons plus les moyens, disent nos élus, alors on coupe dans les organisations féministes, écologistes, dans celles qui protègent les droits, dans la culture, dans la recherche. Et on se rend compte que ces compressions ont des avantages collatéraux pour le pouvoir politique. Il devient plus facile de gouverner sans ceux et celles qui pensent autrement qu'en fonction de l'intérêt des plus riches. Stephen Harper s'est fait le champion toute catégorie de ces compressions sauvages. Il ne se gêne pas d'ailleurs pour dire qu'il coupe les vives à ceux qui ne partagent pas ses opinions. Sa stratégie du contrôle absolu de l'information est d'une grande limpidité. Son gouvernement tire sa légitimité de sa majorité parlementaire, même s'il n'a été élu que par 39,6% des voix. Tous ceux qui osent parler contre lui sont des adversaires, journalistes, artistes, chercheurs, militants. Raisonnant comme un chef autoritariste, il trouve convenable de prendre les moyens pour les faire taire. D'ici une éventuelle défaite électorale, ce gouvernement aura éliminé, affaibli, détruit sans le moindre remords tant d'organisations et de mécanismes nécessaires au bon fonctionnement de notre démocratie qu'il faudra de longues années avant de s'en remettre complètement, si on y parvient un jour. Mais ce gouvernement n'est pas le seul, loin de là, à s'attaquer aux contre-pouvoirs embarrassants. On se rappelle que lorsqu'il était ministre libéral du développement durable, de l'environnement et des parcs, Thomas Mulcair avait réduit dramatiquement le financement des groupes écologistes. Et ça au moment où les libéraux allaient se lancer dans l'exploitation sans contrainte et polluante des ressources naturelles. Le financement des groupes communautaires, dont ceux qui se consacrent à la défense des droits, a longtemps stagné alors que la demande croissait considérablement. Jusqu'à ce que, enfin, la ministre Agnès Maltais, qui avait une grosse tare à se faire pardonner, annonce enfin un soutien supplémentaire sur plus de 3 ans. Si bien que de nombreuses organisations se demandent tout simplement comment survivre dans des temps si difficiles alors que les revenus manquent et que certains s'en réjouissent. La lutte pour la survie entraîne les organisations dans une épuisante course à l'argent qui les détourne de leurs véritables objectifs. Alors que les ressources se font rares, ceux qui en ont,

Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aube-rivière.org. Collaboration Desjardins, Caisse du Centre-Ville de Québec. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Somme de retour, c'est l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Et si, puisque vous vous rendez sur le, vous allez vous rendre nombreux sur le site de CKRL, moi je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Simplement chercher dans la programmation Le Grain de Sable, vous cliquez, vous arrivez sur la page. Regardez un peu la description de l'émission et après, rendez-vous, votez pour l'émission Le Grain de Sable CKRL. On serait bien content d'obtenir votre vote pour les émissions, les meilleures émissions de l'année à CKRL. Merci à l'avance. Renaud Blais, bonjour. Bonjour tout le monde. Quelques fenêtres vues sur des ailleurs vues d'ici. Des ailleurs vues d'ici, oui. Des ailleurs vues d'ici. On a parlé justement tantôt alors, avec les ailleurs, bien. Avec Pierre Blais. Et là, on s'en va du côté, justement. On reste en Amérique latine, si je comprends bien. D'abord, peut-être avant, vous présenter. Et puis après, on dira qui est votre invité cette semaine. Ben, moi, je considère que je suis un militant altermondialiste depuis une douzaine d'années. Je suis un Indien inscrit, Huron-Wendat à part entière. Donc, métis et fier de l'être. Puis... j'ai toujours été un promoteur de la reconnaissance et du respect de la diversité comme étant la nature même de la communauté humaine. On en a bien besoin. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comme c'est bien parti dans l'émission en Amérique latine, cette semaine, je vous présente un résultat d'une entrevue avec M. Pedro Tomás Pérez, qui est un Québécois d'origine salvadorienne, arrivé au Québec comme réfugié politique. Comme de nombreux salvadoriens, chiliens, etc. Ouais. Voilà, oui. Alors, on peut écouter un premier extrait qui situe un peu le contexte historique au Salvador. Monsieur Tomás Pérez, d'origine salvadorienne, va nous raconter un petit peu son histoire, la bourgeoisie féodale qui s'est installée après l'indépendance en 1821 au Salvador. Alors, comment s'est organisée la résistance à laquelle vous avez participé qui fait que vous avez dû quitter votre pays à un moment donné? Oui, première question. Comme vous savez, chaque personne apprend le droit d'organiser dans quelques organisations, peut-être soit communautaire, peut-être soit syndicaux, ou politique, etc. Non? Ma question, c'est, je suis un syndicaliste, non? Je suis un syndicaliste qui a lutté pour la défense des droits des travailleurs salvadoriens. Je suis salvadorien et je suis militant de différentes organisations de gauche au Salvador, spécialement des travailleurs. Nous travaillons, comme vous me demandez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai travaillé avant, pendant la guerre, nous travaillons dans un organisme qui s'appelle la Unité des travailleurs salvadoriens, UNTS. Et la UNTS, nous sommes le fondateur de cet organisme qui se vient de fonder le 6 de mars 1985. Par sa question, la UNTS a souffri beaucoup de persécutions, de captures de personnes qui sont disparues à cause de la défense des travailleurs salvadoriens. Comme te disons, beaucoup de syndicalistes qui, pour son implication pour la défense des droits humains des travailleurs, il y a beaucoup qui ont disparu, il y a beaucoup qui étaient capturés pour la police, les escadrons de la mort et des organismes qui s'occupent pour la répression. Et malheureusement, la résistance n'a pas été arrêtée, la résistance continue. Jusqu'à maintenant, les travailleurs salvadoriens continuent sa lutte. Alors, vous nous avez dit que en fait, vous avez eu un peu la chance de ne pas disparaître comme acteur de la résistance salvadorienne. Vous avez été emprisonné, comme vous m'aviez dit, et vous avez été reconnu comme réfugié politique à un moment donné. Oui, c'est une histoire très longue, non? qu'il faut ramasser en quelques phrases, malheureusement. Ah, OK, oui, c'est difficile. Donc, et, de toute manière, je pense que c'est important que la population québécoise doit connaître la histoire, il n'y a pas de El Salvador, sinon de l'Amérique latine, dans son contexte général. Non? Parce que, comme vous savez, les impositions néolibérales qui imposent le capitalisme sauvage et criminel, toujours condamnent à la population à mourir dans la faim, dans la misère. Et c'est la lutte qui se fait maintenant à cause de la imposition néolibérale. Et pour sa question, vous pouvez voir l'exemple de la Colombie. Il y a beaucoup de syndicalistes qui sont disparus, qui sont assassinés. Et malheureusement, la OIT a signalé que plus de 3000 dirigeants syndicaux, paysans et autres se sont déparus maintenant, assassinés pour les escadrons de la mort dans la Colombie. Et au Salvador, vous évaluez 3000 paysans aussi par le massacre de 1932, vous avez dit? Oui. En 1932, il y a une résistance historique qui a coûté la vie de plus de 20 000 à peu près de paysans salvadoriens qui ont réivindiqué la terre, compris la terre qui est un droit de tous les travailleurs. Dans cette occasion, le général Maximiliano Hernández Martínez s'est consacré pour assassiner plus de paysans, 20 000 ou plus de paysans salvadoriens qui sont assassinés. Il y a quelqu'un qui sont disparus et beaucoup de choses. Non? C'est la triste histoire de la lutte de Salvador. La résistance a continué avec le Parti communiste salvadorien, à la tête, le fondateur Farabundo Martino, qui a pris la relève pour continuer la lutte, pour organiser les peuples salvadoriens, pour réivindiquer la démocratie, la justice, et pour construire une nouvelle société salvadorienne. Imaginez, en 1932, à cette occasion, la lutte continue. Suite à ce massacre de 1932, la lutte commence à s'organiser. Il y a la création du Parti communiste en 1930, et on arrive à la construction du Front Farabundo Martí, qui date de lui 1980. Oui. La fondation de l'FMLN, comme heureusement c'est connu non, pour le peuple salvadorien, c'est la formation de 5 organismes de résistance, entre lesquels je pouvais signaler le Parti communiste, le Parti de les travailleurs salvadoreños, PRTC, FPL et autres organismes que pour le moment j'ai oublié le nom. Non? De toute manière, c'est le 10 octobre de 1980 que le FMLN prend la est constitué comme un front uni. Comme un front uni de résistance armée. Maintenant, à un moment donné, ils ont pris le pouvoir. Et alors, ça s'est déroulé sur plusieurs années. Oui. Peut-être pour signaler, non? L'FMLN s'est fondé avec une philosophie pour changer le pays, pour changer, pour construire une nouvelle société. Peut-être n'y a pas le socialisme, c'est pour fonder la démocratie réelle, parce que, comme vous savez, dans le pays tiers-monde, comme nous disons, non? C'est un pays d'exploitation, de misère, d'injustice, etc. Non? Et c'est pour ça que l'FMLN prend la relève pour lutter, pour signaler, pour organiser la résistance majeure armée, parce que les syndicats, les organisations sociales, les organisations populaires, toutes sont réprimées. Imaginez que pendant la guerre, il y a on a assassiné plus de 80 000 personnes qui sont assassinées pour demander la justice, la paix et autre chose. Donc, 80 000, vous parlez à partir de la création du Front FMLN, oui. Jusqu'à la victoire qui a chassé la bourgeoisie. Et précisez-nous un peu le cheminement, les événements marquants depuis 80 jusqu'à... Tout le monde, et l'FMLN, maintenant, c'est transformé en un parti politique. Depuis? Après ça, le 5 janvier de 1992, ont assigné les accords de paix à la ville de Mexique, compris, et ils permettent à l'FMLN à passer pour sortir de la clandestinité. Pour sortir de la clandestinité, laisser les armes et commencer une nouvelle vie politique. Non? Son objectif dans ce moment, c'est participer ouvertement dans la question politique. Au processus démocratique. Au processus démocratique. Ouais. Ça veut dire que l'FMLN historique finit sa fonction et continue l'autre FMLN avec une participation politique ouvertement. C'est une question très différente. L'FMLN historique et l'FMLN politique qui participent maintenant dans la question électorale. On va poursuivre avec l'entrevue un peu plus tard, mais avant, on a une chanson à écouter, Renaud. N'est-ce pas? Oui, ça a été suggéré par M. Pérez. C'est ça. Je vais vous entendre dire comme d'habitude, c'est toujours vos. Oui, oui. C'est toujours les gens que vous interrogez qui vous suggèrent la chanson. Tout à fait. On l'écoute. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristeza viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Très belle cette chanson, Renaud. Ouais, ben J'invite les auditeurs à aller voir sur YouTube les images qui sont associées, là. La Casa de Carton, là, comme oui. Carton en français, là, c'est... Puis je voulais préciser aussi aux auditeurs, quand M. Pérez parle de Les Trabajadores, ben, oui. Vous avez compris que c'est les travailleurs, je suppose. Maintenant, bon, je vous fais un résumé très bref de la petite histoire de M. Pérez. J'aurais voulu vous le faire écouter. Bon, j'ai préféré conserver des références à l'actualité récente que vous entendrez dans un deuxième extrait. Alors, M. Pérez revient d'un congrès syndical international. Au moment de rentrer à l'aéroport à San Salvador, puis le congrès syndical international, il me dit que c'est un congrès qui est un peu une alternative à l'association là, AFL-CIO, qui est très dominée par les États-Unis. Alors, dès son arrivée à l'aéroport, il est arrêté. Il sera emprisonné. Ce qui, pour lui, fut une chance, parce que de très nombreux militants syndicaux comme lui sont disparus et on ne les a plus jamais revus. Il est libéré grâce à l'intervention d'ONG internationales comme la Croix-Rouge, qui organise des actions, qui le cherche et finalement il le trouve. Il a été aussitôt reconnu comme réfugié par le HCR. Il est amené à l'ambassade du Mexique. Il quitte alors son pays, très triste de voir pour la dernière fois les trois volcans, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la non. Géographie salvadorienne est bâtie sur trois volcans. Ah, oui? Je me rappelle pas. Au sud, c'est le San Miguel. Près de San Salvador, c'est El Salvador. Puis il y en a un au nord aussi. Là. Quand on voit le Salvador d'en haut, il y a trois gros volcans. Hein. Bref, il sera 2 ans au Mexique avant que le HCR lui suggère le Québec, où il viendra en 1992. Alors, je vous fais écouter l'autre extrait qui traite un peu plus d'actualité au Salvador. Maintenant, le FMLN, c'est un parti électoral comme les autres. Il est reconnu en 1992, ou du moins il fait le choix de désarmer, de se transformer en parti politique. Et après 92, quel est le processus qui les amène à un moment donné au pouvoir, non? C'est une lutte électorale. C'est une lutte électorale qui est différente à la position philosophique, idéologique de l'historique FMLN. C'est l'ambition politique, c'est l'ambition de rester dans le pouvoir, l'ambition de chercher des députés, des fonctionnaires publics. Et maintenant, c'est l'histoire maintenant de comme FMLN. Pour nous, c'est triste l'histoire, non? Parce que la philosophie a changé totalement. Ils se sont déradicalisés. Dans la lutte armée, on a un objectif beaucoup plus radical que de quand on se présente à une élection. Maintenant, il y a 12 gauches. La gauche politique et la gauche... Révolutionnaire? La gauche populaire. Okay. La gauche populaire inclut syndicaux, organisations populaires, qui demandent, imaginez maintenant, demandent meilleures conditions de travail, demanda mayor estabilización por los excombatantes. Toujours il y a una lucha, Salvador. Toujours il y a des manifestaciones pour reivindiquer la paix. Vraiment, que malheureusement, la paix n'est pas arrivée maintenant. C'est pire maintenant la situación. Il y a le projet américain de sortir de lo pire, de lo movie, de sa prison, de grandes rues, no? Sont arrivés au Salvador. La situación social, c'est très pire maintenant. Il y a une guerre maintenant au Salvador. On est toujours en guerre au Salvador. Toujours en guerre, oui. C'est difficile de pouvoir dire la question, de pouvoir arriver à la vraie paix. Non? Maintenant, c'est pire la situation. Chaque jour, la répression, vandalisme aussi. Est-ce que le FMLN il n'a pas participé au pouvoir à un moment donné? Et le FMLN participe maintenant. OK, donc il fait partie d'une coalition ou il dirige tout seul? Non, le FMLN, c'est un parti politique maintenant, non? Ouais. Comme tous les partis politiques qui participent avec son contrincant, la gauche et le FMLN, qui est de gauche aussi. Et c'est la démocratie, entre guillemets. Oui, ouais, mais c'est un regroupement de partis de gauche qui forment le gouvernement. Non, c'est le FMLN. Il n'est pas. Ah, okay. Non, c'est le FMLN. Le FMLN qui forme le gouvernement depuis. De 4 ans, à peu près, non. Le gouvernement, comme ça, non. Oui, oui, oui. Avait une structure de fonctionnaires avant de 4 ans. Vous dites que la guerre continue, donc. Les gens sont encore en train de revendiquer parce que le FMLN, il ne satisfait pas à leurs promesses, probablement. malheureusement, non, la situation continue pire maintenant. Toujours il y a des grèves, toujours des bases militaires au Salvador. Dans l'aéroport de Comalapa, il y a une base militaire des États-Unis. Il y a une école des États-Unis qui vient de fonctionner et reste une école de préparation de... Comment des écoles militaires. Les écoles militaires. Non, donc pour former les soldats, ou du moins l'armée salvadorienne, elle est entraînée, formée par les États-Unis, toujours. Oui, c'est l'école qui donne l'opportunité de diplômer comme répressif dans l'Amérique latine. C'est la même école qui restait dans les États-Unis. Donc, si on parle pour l'avenir, l'avenir n'est pas rose à partir d'aujourd'hui. Vous dites qu'il y a encore des grèves, on résiste beaucoup. On n'est pas satisfait de l'administration en place. Oui, malheureusement, c'est la situation politique dans ce moment, c'est très difficile. Non? Et il y a des résistances des organismes syndicaux qui demandent au gouvernement pourquoi vous non régler la chose. Récemment, il y a une grève de professionnels de la santé, qu'on a resté en grève, tout le système de santé. Et un organisme qui s'appelle Bases Magistériales, on a menacé faire la grève des travailleurs de l'éducation. Peut-être okay. L'année prochaine, parce que la saison d'école a fini le mois d'octobre. Ah bon, bon. Il va commencer la nouvelle saison le mois de février, de janvier au février. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire fonctionner. L'œuvre, c'est accord de paix. Est-ce qu'on peut dire que l'oligarchie en place depuis... la colonisation est toujours en place. Ils résistent pour ne pas laisser le pouvoir, Non, la bourgeoisie résiste pour prendre encore le pouvoir comme ça, compris. Okay. Maintenant, c'est l'FMLN qui reste dans le pouvoir. C'est un pouvoir comme ça. Maintenant, c'est la campagne électorale. L'élection présidentielle se va faire le 6 de février de l'année prochaine. Okay. Il y a 4 ou 5 partis politiques qui restent dans la contienda électorale. Okay. Le plus fort, c'est parti Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el otro es el partido Alianza Republicana Nacionalista. Un de gauche et l'autre de droite. C'est les deux principaux partis qui vont présenter des candidats à la présidence. Oui, c'est ça. Il y a d'autres, comme le militaire, qui ont fondé un nouveau parti qui revendique la paix, la vraie, le bon fonctionnement de les accords de paix. C'est tout et pas vrai. C'est une question électorale. Non? Bon, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre le système politique? Vous avez dit qu'il y a des candidats à la présidence, mais il y a un parlement. Est-ce que le parlement, le FMLN, est-ce qu'il y a un premier ministre? Est-ce que Et le premier ministre, c'est le président du Salvador. Ah, OK. Il n'existe pas le premier ministre. Le premier ministre, okay. C'est le président. Donc, c'est le président qui est le chef de l'exécutif et du... Oui. Non, le chef de l'exécutif, c'est le président du Parlement. C'est surtout le non? OK, OK. Oui, bon. Le président n'est pas le chef de l'équivalent ici d'un conseil des ministres. Le président, c'est le président qui administre la fonction nationale. OK. Et le président du Congrès, c'est autre chose, non? OK. Qui reste dans l'FMLN. C'est l'FMLN qui est majoritaire en Chambre, qui est majoritaire au Parlement aussi. Pour le moment, oui. Bon, OK. Vous dites qu'en février, il y a des élections présidentielles, mais ce n'est pas les élections des députés. Non. Ça ne se fait pas en même temps. Présidentielle. OK. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à la prochaine. Possiblement que ce sera un monsieur d'origine bosniaque qui vient juste de retourner dans son pays pour la première fois depuis 1995. Mais ça, c'est possible. Parce que je vous annonce des possibles des fois, puis il n'y a pas moyen de... C'est pas toujours évident, c'est ben ce non, que je ben il faut coordonner des agendas, le studio, la personne et moi, bon... Mais ça a été très intéressant. Merci beaucoup, Renaud, pour cette entrevue. Effectivement, il y a plusieurs pays en Amérique latine où c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de réfugiés. On se rend pas compte au Salvador. Moi, j'ai fait de Mexico jusqu'à Panama. Moi, aller-retour, là. Puis Salvador, là, c'est incroyablement concentré, la population. Si on regarde géographiquement, là, c'est très, très petit, le Salvador. Ouais. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est la concentration de population de toute l'Amérique centrale la plus dense. Ouais. Bien, merci beaucoup, Renaud. À la prochaine. À la prochaine. Nous, on va poursuivre avec ce qui est à surveiller cette semaine après cette très brève pause musicale. poursuit l'émission, le grain de sable d'Attaque Québec. Surveillez cette semaine très rapidement. Il y a une manifestation contre les mesures d'austérité. Et ça, c'est demain, c'est dimanche. C'est au Parc de la Francophonie. Ça, c'est près de l'intersection Grande Allée Est d'Artignac, Québec. Ne pas confondre avec le Parc de l'Amérique française. Face aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement du Parti québécois, unissons-nous contre ces mesures et sortons dans la rue le 17 novembre prochain. C'est demain. Il y a une page Facebook de l'événement. Si vous cherchez dans Facebook contre les mesures d'austérité, vous devriez tomber sur cette page. Ensuite, il y a le lancement du Vox Pop sur Saint-Roch. C'est au Tam Tam Café, toujours le 19 novembre à 17h. C'est au 421 boulevard L'Angélie à Québec, le Tam Tam Café. Tout rendez-vous de quartier pour le lancement du Vox Pop citoyen. Une vidéo qui a été tournée lors du Parvis en fait en août dernier au sujet de la mixité sociale dans le quartier. Il va y avoir ensuite l'Assemblée générale de l'Engrenage. Arrivée des sables bitumineux au Québec, toujours le 19 novembre. L'Université Laval à l'amphithéâtre 11-12 du pavillon Adrien Pouliot. Une rencontre d'information organisée par l'Association environnementale étudiante de l'Université Laval qui va accueillir Stephen Guilbeault et Geneviève Aude Pouska d'Équiterre, Kim Cornelissen de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, la QLPA, Rosa Galvez, spécialiste en ingénierie environnementale, Jacques Anctil de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel. Ça risque donc d'être fort intéressant le 19 novembre à 19h à l'Université Laval au pavillon Adrien Pouliot. Journée des droits de l'enfance, il y a une marche à Québec le 20 novembre. Ça débute à l'Hôtel de Ville de Québec, 2 rue Desjardins. C'est une journée créée par l'ONU, la journée des droits de l'enfance. Mère et Monde est fière partenaire de l'événement initié par le Théâtre Les Gros-Becs à Québec. Venez donc marcher avec nous pour célébrer cette journée dès 10h30 à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est ma colloque sur le capitalisme d'État. Ça, c'est à l'Université Laval. C'est du 21 au 24 novembre. Rendez-vous sur le site rendez-vous sur le site donc de l'agenda média de la démocratie à l'action. Ça, c'est au www.réseauforum.org /grille/calendrier. C'est Michel Monette qui vous dit au revoir et à une prochaine. Pour en savoir davantage sur Attaque Québec, rendez-vous sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org. Profitez-en pour lire ce qui s'en vient, entre autres l'Assemblée générale annuelle. Je vous invite à y assister si vous êtes membre d'Attaque Québec. À la prochaine. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Les Enfants du Paradis, c'est une heure d'interviews, de commentaires critiques et de découvertes en compagnie de Robert Boisclair et de son équipe. Pour tout savoir sur l'actualité théâtrale et dansée de Québec, découvrez Les Enfants du Paradis tous les lundis soirs dès 17h30 à CKRL. Et suivez-les sur Twitter. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encourager et supporter les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. Précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Livraison! Bonjour Alain! Madame le gouvernement, vous aussi vous utilisez la boîte? Comme tout le monde, je suis effrayée à l'idée de développer des relations interpersonnelles avec ma famille et mes amis. Je consomme des boîtes qui me permettent de me maintenir dans un paradis artificiel, à l'écart des ravages d'une éventuelle et douloureuse prise de conscience sociale. La boîte, du 19 au 30 novembre, à premier acte. Billets en vente sur Billettech,